pas vrai moi. Et pourtant nous t'es tellement prêt. On te voulait tout des mots doux. On pas vrai dans la passé. Si t'es fait mon petit sourire, moi pas t'es que surpris. Parce que faut vous savez, ni un moment, aimer aussi. Mais si t'es aimé, fini. Fini, fini, tout doux en moi. En local et puis où doudou le père en te voir en moi distance ou pas coupé en fait parole en amour pour mettre à peine qui sont en fait au senti ou léger qu'on pue le savon en la crachaillé. Oh oh, crachaillé. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Love, love, love. C'est pour vous. Love, moi. C'est pour nous tous. Me vie et moi. C'est pour nous tous. Non, cachaille moi doux. Moi, ma vie fait tellement plaisir. Que moi, capable au bon moi. Moi, développer aussi moi. Et puis caresser pelouse. Parce que c'est vous, moi, vous les chéris. Pas comprendre, moi, comment dire. Moi, vous les savez aussi. L'amour en moi, c'est bas. C'est pour vous. Mais l'offre en moi. C'est pour nous tous. Vie en moi. C'est pour nous tous. Mais l'offre, l'offre, l'offre. C'est pour vous. Mais l'offre en moi. C'est pour nous. Ma vie est moi. C'est pour nous doudou. Non, cachaille moi doux. Ma blesse en tout, tout fait en moi. Pour nous décrocher ces étoiles. Louper et puis en voile. Et fermer nous à nos pocages. Ma blesse en tout, en tirant en moi. Pour un rayon soleil. Pour un rayon l'amour. Non, là c'est moi. Love moi. C'est pour nous tous. Aïe, vie à moi. C'est pour nous tous. Aïe, ma love, ma love. Ma dieu, vie à moi. C'est pour vous. Ma dieu, vie à moi. C'est pour nous tous. Mais où c'est vie à moi. C'est pour nous tous. L'amour cachaille moi I do.